suis pas femme qu'on aime, pas la femme de votre vie, qui pour chaque anniversaire, parfum bijou se fait offrir, et qui si gentiment encaisse vos reproches et vos désirs. Je suis une femme passe-partout, femme d'un soir et puis c'est tout. Je ne suis pas femme qu'on aime, celle qui mendie vos je t'aime. Le mot d'amour, comprenez-vous, je préfère les chanter, voilà tout. Je ne suis pas femme Pénélope, celle qui attend et qui tricote en regardant passer le temps, à coups de cœur, à coups de dents, sur la pendule du vestibule, en soupirant à contre-temps. Je suis une femme passe-partout, femme d'un soir et puis c'est tout. Je ne suis pas femme qu'on aime, celle qui mendie vos je t'aime. Le mot d'amour, comprenez-vous, je préfère les chanter, voilà tout. Je ne suis pas femme fatale, celle qu'on étale et qu'on trimballe dans ces soirées mondaines, mon cul qui s'applique à parler menu, mais qui n'a au fond rien à dire que d'être belle qu'on se le dise. Je suis une femme passe-partout, femme d'un soir et puis c'est tout. Je ne suis pas femme qu'on aime, celle qui mendie vos je t'aime. Le mot d'amour, comprenez-vous, je préfère les chanter, voilà tout. Je ne suis pas femme boniche, reine du ménage et de la cuisine, dépendante des jours de lessive et surtout de vos rentrées tardives. Un coup de cognac ravive mon petit cœur qui chavire. Je suis une femme passe-partout, femme d'un soir et puis c'est tout. Je ne suis pas femme qu'on aime, celle qui mendie vos je t'aime. Le mot d'amour, comprenez-vous, je préfère les chanter, voilà tout.